mon sac de matelot, j'ai mis tout ce que j'avais de plus beau. Souvenirs de tout pays, bouteilles de rhum et de whisky. Une montre, elle ne marche pas, ma pipe et mon tabac. Et j'ai mis l'harmonica que j'avais acheté à Malaga. Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica. Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars, faut faire l'harmonica. Il m'accompagne partout, une chanson prête à chaque trou. Il sait des tas de refrains, dont les plus beaux sont des marins. À bord, pendant les quarts, en bas, il fait rêver les gars. Il leur parle de la terre, de la mer et de leurs amours. Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica. Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars, faut faire l'harmonica. Avant j'étais pas manchot, je faisais la cour dans les pays chauds. À une sombre beauté qui ne voulait pas se laisser tenter. Sa peau et son corps étaient noirs, elle voulait rien savoir. Je lui ai dit que j'étais matelot, elle a crié, je suis perdu. Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica. Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars, faut faire l'harmonica. Suis la café, la chanson, c'est Henri Jacques, matelot de pont. Si elle est à votre goût, les gars, faut lui payer un coup. Avec sa gueule de trafiquant, faut lui rincer les dents. Offrez-lui un pot de tafia, je vous jure bien qu'il le boira. Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica. Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars, faut faire l'harmonica. Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica. Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars, faut faire l'harmonica.